Yahweh, tellement, tellement, Yahweh, tellement, tellement, mon sang tout tellement, tellement, bambouna, baka, moi, oh, tellement, naïe, manze, moi, si, kao, tellement, nanda, tola, yo, ya, ya, tellement, na, pourquoi, le, loyo, mon sang tout tellement, ya, ya, tellement, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parle à Dieu ce soir, il a un mot pour toi. Lorsqu'il se lève, il agit. lorsqu'il se lève, il rend justice. Lorsqu'il se lève, il transforme. Ne reste pas comme ça ce soir. Élève ta voix. Jamais à tes ennemis, à nettoie-moi.